Chapitre 18e, la piqueur. Favet mourut de la façon la plus naturelle du monde, en apparence. Tout le monde sait que M. Wallace, cet Anglais archimillionnaire qui fait tant de bien, a fondé pour ses compatriotes, habitant Paris, plusieurs petits hôpitaux, dont l'un est situé à Neuilly. C'était le docteur Favel qui, dans les circonstances graves, était appelé pour éclairer de ses hautes lumières les médecins ordinaires de l'établissement. Un jeune docteur écossais en tournée à Paris, disait-il, se présenta pour assister pendant quelques mois de ses soins ses confrères de la maison Wallace. Un jour, on apporta un palefrenier anglais qu'une mouche charbonneuse avait piqué. L'homme mourut en 6 heures. Il était trop tard pour le sauver. On sait combien le charbon est une maladie dangereuse. Qu'un insecte suce le sang d'un animal mort de cette infection et que se pose ensuite sur la peau d'un homme, il la traverse de son aiguillon. Si, dès le début, des remèdes énergiques ne sont pas appliqués, c'en est fait de la victime en peu d'heures. Mais ce qui est plus terrible encore que la piqûre de la mouche, c'est la coupure que se fera avec son couteau le berger dépouillant la bête. Plus terrible encore sera celle que se fera un médecin dans l'autopsie du cadavre. Combien d'hommes de science sont morts par ces blessures que l'on appelle des piqûres anatomiques. Le lecteur, connaissant ces détails, comprendra la scène qui se passa dans l'amphithéâtre où se faisaient les autopsies de la maison Wallace. Favel, appelé près du malade, avait déclaré qu'il s'agissait d'un cas de charbon. Le docteur écossais prétendit que ce n'était pas le véritable charbon, grande querelle. Il fut décidé que l'on ouvrirait le corps et que l'on vérifierait l'état des organes en même temps que l'on soumettrait le sang à une étude microscopique. Il fit l'opération. L'état du cadavre donna raison d'abord au docteur, mais l'écossais nia encore. On recueillit du sang et l'on passa dans le laboratoire. Favel s'assit donc dans un fauteuil de cuir pour observer la goutte de sang au microscope. Tout à coup, il se leva en jurant. « Qu'avez-vous ? » lui demanda-t-on. « Il y a dans ce fauteuil une épingle oubliée par le tapissier. Elle m'a piqué. » Le docteur écossais, tâtant le fauteuil avec le manche d'un instrument, fit sortir la pointe d'une épingle, la saisit avec une pince et la jeta. Mais il s'assit lui-même dans le fauteuil, le fit bondir et rebondir sous son poids et dit « Il n'y a plus d'épingle !» Favel éprouvait une vive démangeaison, mais il aurait rougi de se préoccuper d'une piqûre aussi insignifiante. Il reprit le fauteuil que lui offrait son confrère et il dit bientôt à ses collègues « Messieurs, allons voir les bactéries. Regardez, je vous prie. » Le docteur écossais s'avoua vaincu. Favel, qui était toujours accablé de besogne, devait ce jour-là se rendre à Fontainebleau pour faire une importante opération. Il s'agissait d'une amputation. Il déjeuna, prit le train direct et arriva déjà très malade à Fontainebleau. Il attribua son indisposition à la colère, étant très nerveux de sa nature. Il avait très péniblement contenu son indignation contre l'outrecuidance du docteur écossais. Il pensa que ce malaise passerait. La piqûre, cependant, était douloureuse. Placée comme elle était, il ne pouvait la voir. Il ne se douta pas de la nature du mal et se fit conduire chez son malade. Là, les deux médecins de la ville l'attendaient pour l'assister. Quoiqu'il souffrit beaucoup, il opéra son patient. Mais en quittant la maison, il dit à ses collègues qu'il le voyait défaillir. « Je ne me sens pas bien. » Il se rendit au domicile de l'un d'eux. Là, en se déshabillant, on remarqua du sang à sa chemise et une plaie. C'était une piqûre charbonneuse. Le docteur qui lui avait offert l'hospitalité lui demanda avec inquiétude. « N'avez-vous pas été piqué ?»« Mais si, ce matin, par une épingle, » dit Favel. « Je crois que cette épingle vous a inoculé le charbon, mon cher confrère. »« Alors je suis perdu, » dit Favel. « C'était vrai. » On télégraphia à Paris. Par malheur, ce jour-là, Armand et Fernande avaient été entraînés à une partie de plaisir sur l'eau par le Noël. Celui-ci s'était chargé de faire dîner les jeunes gens au restaurant. Il ne les ramena qu'à 11 heures du soir, impossible d'aller à Fontainebleau. Il n'y avait plus de train. Le lendemain, quand le Noël et les deux fiancés arrivèrent, ils trouvèrent le docteur mort. Le charbon n'avait pas pardonné. Favel avait rapidement perdu connaissance. Il ne soupçonnait personne du reste. Il crut lui-même que ses mains avaient gardé quelque peu de virus après l'autopsie et qu'il se les était mal lavés. Comme il avait saigné, rien d'impossible à ce que l'infection se fût produite de la sorte. Cette explication paraissait la seule possible. Elle fut acceptée par tout le monde. Seuls le Noël et Armand conservèrent des doutes. Mais qui accuser? Quelle preuve donner? Il n'y avait rien à dire, rien à faire qu'à pleurer le mort. Les obsèques furent splendides et le docteur écossais y assista. Fernande était désespérée, Armand désolé, le Noël se montra fort. « Vous perdez un père, » dit-il à Fernande, « mais si vous voulez m'accepter comme tel, vous retrouverez en moi un oncle dévoué. » Il se fit le plus tôt possible reconnaître comme tuteur de Fernande par le conseil de famille devant lequel on ouvrit le testament du docteur. Celui-ci laissait à le Noël son ami 5 000 livres de rente sa vie durant. Le capital revenait ensuite à Fernande et à Armand qui hériteraient chacun immédiatement de 15 000 livres de rente en bonne valeur. Armand se trouvait à l'aise, on peut même dire riche par ce legs. Fernande se trouvait déjà par elle-même à la tête de 50 000 livres de revenus. De plus, l'immeuble de Neuilly, si la jeune fille se mariait avec Armand, restait entre eux indivise et cette maison, avec son parc, valait au bas mot 300 000 francs. Mais qu'importait tout cela à ces braves et loyaux enfants qui, chaque jour, allaient mêler leurs larmes sur la tombe du docteur. 2 mois s'écoulèrent. Un soir, le Noël, qui maintenant demeurait chez sa pupille, d'après une recommandation du testament de Favel, le Noël, disons-nous, songea que le vœu le plus cher du docteur était le mariage de ses enfants adoptifs. Il pensa que les noces seraient un moyen de combattre la tristesse de Fernande et il mit la conversation sur ce sujet. « Ça, dit-il, vous êtes fiancée, à quand les épousailles? Comme tuteur, je suis impatient de vous accorder mon consentement. » Fernande leva ses grands yeux sur le Noël. Il parut à celui-ci que ce regard lui reprochait quelque chose. Il répondit à ce blâme muet. « Oh, je vous comprends. Vous êtes froissée, Fernande. Moi, je fais mon devoir. Votre tuteur voulait vous marier, et je suis sûr que si nous avions pu nous trouver à son lit de mort, sa dernière recommandation eût été « Épousez-vous vite. » D'autre part, vous êtes plongé dans un chagrin qui vous tuera. Il faut vous distraire. « Mon ami, dit Fernande, je suis plus raisonnable que vous ne pensez. Si je pouvais surmonter l'invincible répugnance que j'éprouve à me marier, quand la tombe de mon tuteur est à peine fermée, je vous dirais aussitôt de publier les bans. Mais j'ai peur. J'ai peur de ce mariage qui se ferait dans le deuil. J'ai l'invincible pressentiment que cela me porterait malheur. Armand est de mon avis. C'est vrai, dit celui-ci. J'ai peur aussi, moi. La mort est sur nous. Soit, dit le Noël, ne vous mariez pas encore. Je comprends votre résistance. Mais croyez-vous, Armand, que votre fiancée soit dans de bonnes conditions de santé en se complaisant dans sa mélancolie? Et vous, avez-vous raison de vous écrier « La mort est sur nous » Vraiment, c'est de la folie que se conduire comme vous faites. Si Fabel pouvait nous donner un conseil, il vous crierait de vous distraire. « Je vous ai dit, répondit Fernande, que j'étais plus raisonnable que vous ne pensez. Je consens à avouer mon chagrin et à le combattre. Voulez-vous nous conduire à la pêche? Nous allons reprendre nos longues promenades en canot d'autrefois. » « Approuvé, dit Armand. Vous avez raison, papa le Noël. Nous avons assez broyé de noir comme ça. Demain, on pêche. Demain, nous déjeunons et dînons sur l'herbe. Je veux, Fernande, revoir des couleurs roses sur vos joues. » Et ce fut partie convenue. Le lendemain, le programme fut exécuté, de même le surlendemain. Peu à peu, Fernande revint à la santé et le Noël s'en applaudit. Mais le pauvre homme ne se doutait pas des dangers qui le menaçaient.